Maï, l'homme qu'on appelle Kidja et Vanessa. Eh eh, non, eh. La villa, la villa cirée, eh eh. La villa tombée, eh eh. Non. Mais pas qu'on pour qui bite la villa cirée. Retournera toujours poussière. Il ne s'agira que de passage sur cette terre. Mais la tristesse nous envahit à la perte d'un être cher. Moi battez les combattez, c'est vrai. Mais la vérité nous rattrape un beau jour. Et un jour on partira tour à tour. Chialé, j'ai qu'une seule pensée. Faut nous qu'elle vérène, même si tout ça s'arrête. C'est vrai, qu'elle reviendra cette question tous les jours. Mais pourquoi elle? Un ange de plus dans le ciel. Mais pourquoi lui? T'inquiète, il sera là pour l'accueillir. Que vos âmes reposent en paix. Dama et tirodé, pas plairé. Y'a qu'elle a pour veiller. Les jours on nous rivait, non non non pas pleuré. Y'a qu'elle a pour veiller, à ce qu'elle nous bien rivé. Les jours on nous rivait. Fais pas comprendre pour qui bite la ville à sirène. Qu'est en nous en souffrance, tcha tcha. Entends nos prières, nous laisse pas. Fais pas comprendre pour qui bite la ville à sirène. Almighty Father, protect moi, c'est preserve myself. De midi c'est tout, c'est rest in peace. D'abord my friend, my number 10. Et quelques mois plus tard c'est toi la mise. Mais ça va pas normal. Papa, maman, t'es reti mounayo. Grand frère, grand sœur, doulé en vaillo. Et les amis qui la capéré yo. Mais ça qui plirait, c'est que l'amour bâti ancien. On love qui mort, ça irait. Et man chelé, ça trop cruel. Nous toutes soudées, nous toutes soudées. Pour aider les autres lités. C'est l'homme qui a parlé. Sauf qu'à souffert, nous désolé. Mais pas comprendre pour qui bite la ville à sirène. Qu'est en nous en souffrance, tcha tcha. Entends nos prières, nous laisse pas. Mais pas comprendre pour qui bite la ville à sirène. Almighty Father, protect moi, c'est pour serve myself. Mais pas comprendre pour qui bite la ville à sirène. La villa torre, la villa torre, torre. La villa torre, la villa torre.